jeune, j'avais des rêves, je voyais la vie autrement. Je la pensais pas si brève, aujourd'hui j'en demande. À tout moment tu crèves, la tristesse aux commandes. Je goûterai plus jamais la sève qui faisait de moi un enfant. Enfin, il est clair que je me dis souvent à quand la fin de la vie j'ai faim, mais d'une meilleure certes. Tant je vois partir loin de moi les meilleurs êtres. La vie défile comme les nuages à ma fenêtre. Funestre à nos destins, chacun de nous doit disparaître. Quel que soit ton vécu ou les moments passés, à quoi bon s'être battu pour au final trépasser. Au final à quoi bon tant de souvenirs entassés. Ma vie déjà mal entamée, trop souvent je suis rétamé tel un camé. De voir les gens canés, j'en connais qui tiennent plus debout, n'arrivent plus à joindre les deux bouts. La vie me cherche des bouts et le temps court comme un lévrier à 22 ans, vie d'ouvrier, envie d'envoyer d'ouvrier. L'espoir et le monde plié pour avoir le droit de me payer, de quoi manger et m'habiller. Je comprends pourquoi je veux plus crier, je sens le diable m'épier. Car au fond tout va péter comme une grenade découpillée. Mes rêves éparpillés, le pire est d'avenir. Comprends que je n'ai plus fort en l'avenir. Incertain, la vingtaine et la poisse sentinelle. Loin de vouloir faire couler le rimmel dans les chaumières, je suis trop sombre, la rimmel me sert de lumière. J'attends la nuit et je vagabonde, tête baissée, jumelaire. Tellement les ennuis abondent, je vois le futur dans des jumelles. Rien éternel, vie virtuelle, où l'amour se fait via internet. Ces fous finiront internés, vie centrée sur les intérêts, de plus en plus terrés, et les souvenirs au pli terré. J'ai une rage intérieure qu'aucun médecin ne peut extraire. Il voudrait que je reste passif, comme une vache qui se laisse traire. J'aurais pu naître imbécile heureux, pour vivre en paix si heureux. Mais j'ai braqué sur eux un regard lucide sulfureux. Si à petit feu je me détruis pour devenir l'ombre de moi-même. J'ai pas fait une croix sur mes rêves, ni sur tous ceux que j'aime. J'ai de quoi manger, me loger, c'est déjà assez. Mais au futur je ne cesse de penser, aurais-je un fils avec une fille faite part. Les années filent, je suis en quête de faire part. À l'heure où mes veines partent, souvent en vrille, à l'image d'une vie triste qui peu à peu vacille. Car tout va si vite, l'oubli facilite, l'argent avilit. Tu te lasses si vite quand la déprime sévit. Lorsqu'on saisit que la mort ne sévit, la mort ne sévit. Alors c'est vivre qui devient difficile, et mes yeux brillent comme le soleil de Séville. Quand les larmes montent, trop souvent je me lamente et montre des faiblesses alarmantes qui me démontrent. Malgré mon jeune âge, crainte du futur, je nage dans l'inquiétude. Ne veux plus que ça dure, c'est sûr, car je sature.